tête ailleurs, moi j'ai toujours la tête ailleurs. Mes longueurs monotones n'intéressent personne, j'évite les requins, le temps qu'il fait demain. Je suis bien dans mon coin, quand je m'en vais c'est loin. Ailleurs, moi j'ai toujours la tête ailleurs. Quand j'entends une voix, c'est qui, c'est celui-là. Je ne suis pas méchant, je ne fais pas semblant. Et mes révolutions ne sont que des chansons je les chante dans des chaussures en or, dans une Rolls hélicoptère, avec un aigle mercenaire planté au cœur de mon étoile. La tête ailleurs, moi j'ai la tête ailleurs. J'essaye tout simplement de voir passer le temps, et je fais attention quand passent les saisons. J'attends dans mon palace une fille pile ou face, que j'emmènerai dans des chaussures en or, dans une Rolls hélicoptère, avec un aigle mercenaire planté au cœur de mon étoile. Que j'emmènerai dans des chaussures. La tête ailleurs, moi j'ai toujours la tête ailleurs. La tête ailleurs, moi j'ai toujours la tête ailleurs. La tête ailleurs, moi j'ai.